pardonne-moi Maurice, excusez-moi de vous couper. Gérard, si on parle trop fort, on t'emmerde, on baisse d'un ton, ça tu nous le dis. Hein. Ouais. Non, mais j'ai jamais rien dit. Non, mais nous, on te le dit. Continue alors. Ça, Gérard, dit, hein. Comment on mange une bonne viande, Gérard? Ouais. Bah déjà avec des dents. déjà avec une bonne viande. Non, chaud Manu, chaud. Super chaud. Oh, s'il choisit la viande comme sa femme. Monique, t'as entendu la blague de ton fils? Oh là là. T'es fier ou pas? Ah merde. 1h13, c'est mon moment de gloire. Non mais Gérard, comment on mange une bonne viande? Alors une bonne viande déjà, bon, ça va. Écoute, avec. Non, allez, sérieux, laisse-le parler. Parce que sinon, il n'y arrivera jamais. Déjà, une bonne viande, ça dépend ce que t'aimes comme viande. Bon, alors on va dire une. Une côte de bœuf. D'accord, votons pour tout le monde. Attendez, on va faire un vote, la côte de bœuf. D'accord. Saignante ou bien cuite? Saignante. On la prépare sur le grill, on en sait. Tu attends deux secondes, tu peux ramener Maïté là à côté de toi. Non, parce il va jamais s'y retrouver. Alors. Mais si, c'est comment que je cuisine. Ouais, d'accord. Ok. Oui, quand t'as les idées claires. Ouais. Voilà. Donc la côte de bœuf, tu la sales, tu la poivres. Et de côté, tu mets de l'huile, laisse-le finir. Ça dépend ce que tu veux mettre dessus. Tu peux mettre de l'estragon, de l'herbe de Provence. Du parfum? Non, pas de parfum. Voilà. Donc, tu mets ça à cuire. Même pas un peu d'Antarctique, du parfum? Non, non. Tu mets ça à cuire, tranquillement. Combien de temps? Une côte de bœuf. Non, non, pas au micro-ondes. Attends, au micro-ondes, la côte de bœuf. Ah, bah, c'est comme ça que je fais ma viande, moi. Demain matin, t'as deux jours de cuisson. Combien de temps? En grillade, faut compter à peu près une demi-heure. D'accord. Wow. Une bonne demi-heure. Mais ça, c'est pour qu'elle soit saignante. Hein. Non, mais ça bien cuit, c'est 3 heures. Hein. Parfasse. Hein. D'accord, ok. Il n'y a pas d'électricité. Et vas-y, Sandan, vas-y. Non, mais sinon... c'est comme ça que je fais une côte de bœuf. Ouais, bah écoute, c'est pas demain qu'on va venir manger chez toi. Alors, Super Nana n'est pas du tout d'accord. Non, déjà, on met pas de sel parce que... Ça fait plaisir de soulever ce dossier sur cette viande. On met le sel au dernier moment. Je sais pas pourquoi, mais je sens que bientôt, il y aura un débat là-dessus. Parce que quand on met du sel sur la barbecue rouge, ça enlève le sang. Voilà. Donc, il est dégueulasse. Bon, alors donc, t'es un gros dégueulasse, toi. Mais ça nous étonne pas. Tu vois? Non, mais là, GG, il vous a en fait donné la recette pour faire cuire une viande, mais la recette McDo. Ouais. Parce que Gérard, il a l'habitude de manger ses gemelles, c'est pour ça. Ouais. Gérard, un bon poisson. Comment tu nous prépares un bon poisson? Alors, par exemple, une raie. Non, mais moi j'aime mieux. Non, mais je vais pas chercher n'importe quoi. Une raie, il va nous parler de ça. Mais non, une truite aux amandes. Tiens, une truite, parle-nous de ta femme. Alors justement, alors allons-y. Alors, viens. Machine, Sandy, viens ici. Sandy, c'est un pseudo, non? Non, c'est malheureusement. Sandy, c'est du sérieux, c'est vraiment son nom. Non, mais attends, pourquoi là? Il y a un problème? Sandy, je sais pas, c'est. Ah non, mais pourquoi pas, attends. C'est un Sandy. Peu. C'est américain. C'est américain. T'es américaine, hein? Non, c'est anglais. Non, c'est un téléphone rose, tu vois. Ça. Alors, bon, Sandy, arrêtez. Sandy, tu parles français, tu comprends. Eh, là-bas, là, l'équipe des tourtereaux, là, vous arrêtez? Tiens, Pink Floyd, tu vas laisser ta place deux secondes à mademoiselle. Voilà, tiens, lève-toi un petit peu avec ta broche. Alors, ma chérie, tu parles français, malgré que t'aies un prénom américain, anglais. Anglais. Ah oui, je parle français, oui. Ouais, mais tu es anglais, de l'anglais de Californie. Alors, pour toi, comment tu nous fais un bon petit poisson? Bah, un petit poisson, ça dépend si on le fait à la grillade ou si on le fait normal. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont nous faire croire qu'ils ont un jardin aussi. Non, mais... Pas mal. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit poisson à la grillade? Grillade. Mais là, on se connaît déjà fait une grillade. Ouais, c'est pas grave. Ils ont pas de jardin, ils ont rien. Sushi. Four. Ah, écoutons donc. Alors là, comment tu fais un petit poisson au four? Pas de four. Bah, un petit poisson au four, je mettrais des pommes de terre et puis... Comment tu le fais? On a oublié la question. Je vois un poisson saignant, bien cuit à point, comment vous le voulez? Je sais pas, moi, je l'aime bien saignant. Du thon, par exemple. Du poisson bien saignant. Du thon. Ah bah le thon, ça c'est pas cuire. Du thon à la catalane. À la catalane dans le four. Thon à la catalane au four. Bah disons qu'en cuisine, moi je m'y connais pas trop. Ah bah merci beaucoup. Comme ça, maintenant on voit. Mais qui c'est qui fait manger chez vous? C'est Gérard, ça s'entend, tu l'as entendu tout à l'heure, merde. Bah, je sais faire les petits plats, poisson. Du poisson. Bah oui, mais genre boîte de conserve de. Bah, comment on fait cuire une boîte de conserve? Tu sais faire du poisson, mais pas du thon. Je signale que le thon, c'est bon. Cuire, c'est du poisson. Mais je sais que c'est du poisson, mais tu peux faire ça en salade. Tu sais qu'il est loin d'être con, lui. Hein. Il a oublié d'être con. C'est le troisième Bogdanov. Sandy, il n'y a pas que du Bogdanov. Non, c'est les frères Bugdanov. Igor, Grishka et Gérard. Sandy. Sandy, le thon, avant qu'il soit en boîte, il nage et tout ça. On peut le couper en tranches et c'est un poisson au départ. Je sais, mais bon, si on veut le faire en salade, on peut le faire en salade de thon. Avec des tomates. D'où le nom. C'est fort. Évidemment, bah évidemment. Alors, comment tu fais cuire de la limace, par exemple? Ah bah la limace, ça se mange pas. Hein. Ah bah voilà. Ça, c'est des insectes et tout, donc ça se mange pas. Ah oui, la limace, c'est un insecte. C'est bien tourné de thé, parce que là, tu te crois dans un salon de thé. On fait de la radio. La limace, c'est un insecte. Tu vois ce petit truc allumé rouge, là, c'est qu'il y a possible qu'il y ait encore des gens qui nous entendent. Installe-toi, Gérard, tiens. Bah, merci beaucoup, Deep Purple. Donc la limace, c'est un insecte. Hein. Alors, laisse parler Pink Floyd un petit peu. Moi, j'aime bien Sandy. T'aimes bien Sandy? C'est vrai? Non, ah, excuse-nous, alors autant parce que le thon, parce qu'elle fait des petits plats, c'est du poisson, mais le thon en salade, etc., etc., c'est... On peut choisir un autre poisson, Maurice. La Sandy, saisie dessus, dessous, accompagnée d'une bonne sauce, ça maintenant j'en viens. Sandy, demain, tous ceux qui sont là, tu nous invites à manger. Non, voilà. Je peux pas, on fait pas un rêve, disons qu'on est en plein cauchemar. Hein. C'est-à-dire que tu nous invites à déjeuner, et comme des cons, on dit oui. Qu'est-ce que tu nous prépares comme plat? Comment ça se passerait? Comment tu ferais l'entrée? Quel genre d'entrée? Plat, dessert, fromage? Attaque avec l'apéro d'abord. Alors, je mettrais les petits gâteaux d'apéritif qu'on trouve dans les magasins, quoi. Impeccable. Jusque-là, c'est impeccable, c'est du 100% bon. Déjà, là, c'est déjà quand même un renseignement de savoir que les gâteaux apéritifs se trouvent dans les magasins. Ce qui n'est pas évident. Des fois que t'as eu demain, t'en cherches, bon, bah, maintenant, ça tu va mieux, mon goin, tiens. C'est vrai. Alors, je mettrais quand même de la bouffe. Ça dépend. Alors, quel est le menu que tu nous offrirais? Qu'est-ce que ça serait, l'entrée? Alors, l'entrée, ça serait quoi? L'entrée, ce serait, macédoine de légumes avec de la mayonnaise. Ouais, c'est pas mal. Croiser des œufs durs, en plat principal, on s'en laisse les babies. Mais macédoine, c'est où? C'est une boîte. Ah ouais, tu fais pas des choses fraîches. Non, c'est son choix. Qu'on peut acheter des légumes si on veut au marché. Non, t'es pas franquette. Alors ensuite, plat principal. Alors ensuite, je mettrais... allez, on va dire des paupiettes avec des pommes de terre. Oh là là, on se régale, vivement qu'on y soit, vivement demain. En dessert. On va mettre quand même une petite salade pour accompagner le tout. On a le droit du petit fromage, du babybel ou un petit babybel? Disons que le fromage, je mettrais un peu de tout, quoi. Je mettrais du babybel, je mettrais du Du Samos 99. Coup de Thierry, un coup de tartare. Du plateau de fromage, Karim, du babybel. Et du caprice des yeux. Je vois bien, là. On se fait un petit caprice. Des petites parts emballées et tout. Et alors, pardon, mais qui dit fromage, excuse-moi Max, mais qui dit fromage dit obligatoirement pain et vin. Ouais. Donc. Non, vin non. On est obligé. En pain, ça serait quoi, En pain, ouais. Pain de mie, un truc comme ça. Ouais, du pain de mie. Et du jaquet, quoi. Un jaquet basique. Je la vois bien arriver au plateau de fromage avec ça, avec les dates. Allez, on se dépêche, hein. Ça a déjà dépassé depuis 3 jours. Non, mais attends, tu te moques, mais cependant, le pain jaquet accompagné avec une bonne vache qui rit. Elle est bien, ta femme. Hein. Moi, je définis n'importe quel gourmet de me dire que c'est pas bon. Hein. Et le dessert? Le vin, je m'y connais pas trop, il s'y connaît pas. Bon, GG, le vin. Un bon petit carré de vigne, ça serait quoi pour toi? Mais si, t'as un petit carré de vigne Leclerc. Sac à vin, viens voir, qu'est-ce que tu conseilles? Un petit carré de vigne. Après, vous nous donnez des petites briques, une bouteille de bienfait du village. Quoi comme carré de vigne? Non, déjà. Bon, merci, t'es éliminé. C'est bien toi? Bon, c'est pas grave, dis, qu'est-ce que c'est? C'est pas grave. Déjà. Sandy. Tu vas essuyer. Tu vas éponger là. Sandy. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? L'autre, il lui demande de l'éponger. Non, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? T'as Sandy avec l'éponge que t'as. Non, mais, Fildar, vous avez pas compris, on vous demandait d'éponger Gérard. Hein. Bon, Gérard, Joker. Le fromage, le vin. Le vin, le vin. Maurice est un grand amateur de vin. Qu'est-ce que tu offriras à Maurice? Non, déjà du vin pour l'entrée. Bon, du macédoine. Parce qu'il y aura un vin pour chaque. Vin, bien sûr. Déjà, moi, comme entrée, j'aurais jamais mis de la macédoine. Mais c'est pas grave, elle a fait son choix. C'est ta femme. Ça serait un petit vin blanc pour commencer. Ouais. Mmh. Déjà pour le, on va revenir sur les apéros. Je mettrai différents apéros. Reviens même quand, avant, hein? Avant qu'on arrive, toi tout seul. Mais les apéros. Moi personnellement. Goûte. Moi personnellement. L'autre il est 15h. Allez bon, vas-y, bon, sac à main, vas-y. Non mais vas-y. Déjà bon, les apéros ça dépend des gens. Je mettrai un peu de tout. Porto, whisky. Goûte avant. Là, c'est goûté. Il s'en est pris une file là. Non, je te voilà. Ne les nerve pas. Il bouge, quand il bouge, il transpire. Alors. Un peu de pastaga ou pas Ah, bah, bien sûr. Ouais, bon. Allez, le plat maintenant. Donc, allez, maintenant, va au vin. Va vite. Pour les entrées, vin blanc. Ouais. Pour le. Vin blanc. Attends, tu mélanges un vin blanc avec une salade de Macédoine. C'est pas grave. Allez, vin blanc. Il y a du thon. Quand t'es bourré, tu t'en fous. Tu prends ce que je te sers. Tu prends ce que je te sers. Quand t'es bourré, t'arrives même pas à l'entrée. Quoi. Mais c'est lui. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme vin? Un petit vin blanc, un petit Sauvignon. Allez, Un petit Chavignon, d'accord. Un petit Chavignon. En rouge, Côte du Rhône, Côte du Rhône. D'accord. Donc Bordeaux. Impeccable. Donc pour un petit Toulousain. Pour le fromage, bien sûr, un bon vin Carache. Un bon vin avec un bon fromage. Pas devant le micro, tu verras. Un bon petit camembert bien pelé. Un bon camembert. Écoutez-le, oh là là. Un bon camembert. Ça donne faim. Carache. Carache. Après, ça fait qu'il t'arrache bien les dents. Avant de faire le dessert. Ouais, Arnold, t'écoutes s'il te plaît. Ouais, je fais que ça. Avant d'arrêter, parce que je le connais rien que de parler de vin, il est déjà sous, là. Ça le rend sous. Une fois, avant que tu arrives au dessert, t'as bien mangé ton plateau. Vas-y. T'attrapes ta nana, tu lui fais un bisou sur la bouche. Là, t'es sûr que tu te prends une claque. Enfin bref. Fais pas l'humour, c'est pas ton truc. J'ai déjà fait. D'accord. Et pour le dessert, donc, elle a pas précisé. Alors donc, c'est quoi le dessert, Sandy? Qu'est-ce que tu nous as réservé? Quoi, une tarte aux pommes, une tarte aux fraises ou... Oh là là, c'est bien. Et c'est quand ce déjeuner, là? Les tartes aux fraises que t'as achetées ou que t'as fait? D'accord. Alors. Tu l'as fait, la tarte aux fraises? Ou tu l'as achetée? Oh non, j'achète. Je l'achète en voulant acheter. Que tu t'emmerdes. Allons. On n'a pas que ça. Et donc là, alors du coup, alors tarte, quel est vraiment le vin qu'il faut avoir pour une bonne tarte aux fraises? Un bon petit gustraminaire. Ok, bon, et bien voilà. Un petit vin d'Alsace. Alors, tu sais comment il est? Vraiment, il est dedans. Oh un petit gustraminaire. Alors, on en est au digestif, forcément. Digestif, t'as tout, t'as cognac, calva et tout ça. Avec le café. Oh, plus le champagne. Qu'est-ce que tu nous mettrais comme champagne? Comme brut, un brut de pomme? Non, du coup. Un petit cidre. Petit champagne là que t'as là-bas, il est bon. C'est pas mauvais. Ouais. C'est quoi? Il est bon. Ils sont fous, ça fait des bulles, c'est bon. Mais dis donc, je savais pas que tu. Alors, il y a aussi un petit détail que j'aimerais savoir tant qu'on est là-dedans, là, aux machines. Il y a une toile cirée sur la table ou quoi? Avec nous, d'accord. Donc là, on a bien compris qu'on a. Bon. Mais comment, la table, comment tu la prépares, toi? Parce que t'es une petite princesse. Si la table est aussi belle que tu es sapée, mais. Attention, c'est le manuel du savoir-vivre. Il va y avoir des. C'est qu'il va y avoir des assiettes et des gobelets en plastique. Pour se saper. Alors comment d'abord, alors gobelet en plastique. Ah non, je mettrais des belles assiettes quand même. Hein. Mais tu peux mettre on peut mettre de très belles assiettes en plastique. Gobelet en plastique. Ah bah non, je mettrais des belles assiettes. Des assiettes en plastique. Non, mais je mettrais une jolie nappe, je mettrais des bougies de chaque côté. Des bougies de chaque côté. La table est ronde ou... Non, c'est ça qui est extraordinaire. C'est du... Imagine-toi que t'invites des gens, t'as une table rectangle carré, et tu mets à chaque coin des bougies. C'est le truc que t'as jamais vu, quoi. À chaque coin. À chaque coin. Mais pourquoi pas? Non, mais je sais pas ce que j'ai mis mais moi je mettrais ça. Gérard est en train de frapper, Fulda. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête, Gérard, laisse Sandy, c'est le top. Qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y, Sandy, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les limites ont. La limite à des limites. Il y a des limites pour respecter, d'accord? C'est pas des bisous à la bite, hein. C'est vrai, quoi? Je sais pas du tout ce qui se passe. Gérard, laisse pas ce que je te donne. Gérard, le respect sur les limites. Alors là, pas les Sandy. Attends. Non mais arrête. Bon voilà, je gère mon business. T'inquiète pas GG, je suis avec toi. T'en étais où ma chérie? Bah j'en étais que je mettais une jolie nappe et que je mettrais des bougies quoi. De chaque côté, quoi. Donc on bouffera avec des bouches. Il y aura quand même des, il y aura un couteau, une fourchette, une cuillère. Il y aura ah oui, des bah chacun aura sa fourchette, son couteau, en plus, son verre. Bah dis donc, c'est que tu nous as rincé, dis donc. On aurait chacun aura sa petite serviette. Il mettrait pas des verres, il mettrait une bouteille à chacun. Puis au goulot. La serviette, c'est quoi? C'est on s'emmerde pas, c'est du sopalin. Non, non, c'est des. C'est pas des serviettes en papier, c'est des serviettes normales. Ah, carrément. Mais lavé. Ah, bah oui, lavé quand même. C'est le bête. Mais il y a tellement de monde, pourquoi tu fais pas un buffet et chacun se sert? Pas con. Mais oui. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs l'idée qu'avait eu Gérard à une époque, je m'en souviens très bien, où tu voulais que je sois ton témoin. Et je remercie encore Dieu que tu te sois toujours pas marié. Où tu voulais que je sois ton témoin. Et je me souviens, c'était génial, c'est que tu voulais faire un buffet pour ton, hein, pour ton mariage, où il y avait 40 rappeurs. C'était la totale. Des chips et du poulet, moi aussi, je me souviens bien, c'est ce que t'avais prévu. C'est vrai? C'était grand? Pour un mariage, il y avait des chips et du poulet. Et encore le poulet, il y a avec les carcasses, mais c'est pas marié. Faut goûter avant. Non, mais d'ailleurs, c'est quand? Vous allez vous marier, non? Bah, franchement. Je vois que t'as déjà ta bague de fiançailles sur le nez. Non, mais franchement, on en a pas, enfin, on en a pas encore parlé encore. On en a parlé ici maman. Avant, mais c'est là. Maman, qui des deux hésite en fait? C'est Gérard ou toi, Sandy? Gérard est timide quand c'est comme ça, quand on avance. Non, c'est pas moi qui hésite, mais disons que je préfère prendre mon temps. Ouais, bien sûr. D'accord. Prends mon temps et Mais GG, c'est vrai, on le sent un peu petit slip là sur ce coup-là. Hein. Tu la ramènes pas ta gueule là. Hein. Non, mais il y a de l'émotion, tu sais, quand on parle de... Elle a 28 ans, qu'elle en profite de la vie. Ah voilà. Ah ouais, mais autant qu'elle... pas comme j'entendais, autant qu'elle en profite avec... Mais autant que son mec... Mais autant qu'elle en profite avec toi, je veux dire. Alors, Gérard, un mec qui... Hier, j'ai parlé, Gérard. J'ai écouté l'émission. Pas devant le micro. Le pas, c'est mardi soir, j'ai écouté le micro. J'ai écouté l'émission, il y a une jeune de 21 ans. Oui. Bon, elle est avec un copain, elle a un gamin, oui. Et le mec il l'a largué. Oui, mais et là elle arrive à terme, donc moi je trouve ça dégueulasse et c'est tout. Ouais, mais on parle de Sandy là. Tes mains toi. Le micro. Voilà, apparemment Fildard n'a pas le droit de s'approcher. Le Fildard, ouais, si, je crois que Gérard a bien compris le système des bulles de tout à l'heure. Il ne faut plus rentrer dans sa bulle, quoi. Ça, c'est clair. Bah, d'ailleurs, surtout personne... Fildard, d'ailleurs. De toute façon, personne ne veut s'y aventurer. Non, mais de toute manière, bon, moi, ce que j'ai à dire, moi, ce que j'ai à dire, pour l'instant, nous, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. Ouais, ensemble. Ça va faire 3 ans. Ensemble. Ouais, mais de toute manière, ça va faire 3 ans, si tu veux. On n'est pas de mois après, maintenant. C'est tout. Donc, moi, ce que je dis, c'est aux jeunes, ben. Profitez de la vie, ne faites pas de conneries, c'est tout. Putain. Ok Manu, jusqu'à un maximum, et ne faites pas de conneries avant. Voilà. Quelle connerie? Voilà. Il faut, quand t'es jeune, il faut pas faire de conneries avant. Avant d'être jeune, c'est-à-dire quand et t'es encore très jeune. Protégez-vous pour pas avoir de gamins trop tôt. Bah ouais, mettez des casques de moto, démerdez-vous, j'en sais rien, mettez un parapluie. Parce qu'on parle toujours. C'est quoi? Quand tu dis faut se protéger, c'est quoi? C'est la pluie? Justement, je voulais en reparler à Sandy qui parlait de vaseline tout à l'heure. S'il faut se protéger, la vaseline c'est pas bon avec les préservatifs, hein, ça marche pas. Ah, alors là. Bah, je sais pas, personnellement, j'ai pas testé les préservatifs. Ah bon, besoin de vaseline. Si, c'est les préservatifs, si. C'est toi qui parlais de vaseline. Mais t'aimes bien la sodomie quand même. Bah, disons que j'ai pratiqué, mais bon. Mais t'es un peu rangé des voitures maintenant. C'est pas que t'as pratiqué, c'est qu'à chaque fois qu'on te demande si tu aimes, tu dis j'ai pratiqué, mais tu aimes ça. Non, ne dis pas, tu aimes ça. C'est tout. Bah, si tu le dis, c'est que c'est bon. Bon, soyons clairs, t'es une chiennasse. Enfin, t'aimes ça, mais c'est normal, c'est bien, c'est beau. Elle aime ça. Bah, mais il faut mettre des préservatifs un peu plus costauds, hein. Voilà. Mais non mais lui il l'a sauté dans le nez ou bah où il peut hein. Mais, alors, tu prends du plaisir à faire ça, t'aimes bien, tu lui fais plaisir quoi. Ça dépend comment c'est fait aussi. Hein. Bah, il va parler. Bah, justement, est-ce que Gérard sait bien le faire? Bonne question. Alors bah, disons que ouais. Ah, c'est plus cher avant pas avant. Non non mais attends, comment ça se pratique? Il trouve le trou du premier, il se bourre, tu lui prends la main et tu l'emmènes vers le bon chemin. Non mais en plus ça fait longtemps qu'on l'a pas fait donc. Il est peut-être temps de vous y remettre en même temps. Une petite pseudo en rentrant. Ouais. GG. Bon, allez vas-y. Maman il travaille. Ouais, c'est vrai en plus. Non, mais je sais pas si on n'est pas trop fatigué. Oh, je te sens j'ai envie d'une sodomie. Non, non, demain, je travaille à 11h et tout. Je peux pas. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'un truc que pour tenir les auditeurs au courant, et ça, c'est, Fildard le dit, c'est bien, parce que ça, c'est vraiment, ça serait peut-être là-dessus qu'on intervient, c'est une très jolie note, c'est que Gérard, on peut l'applaudir, a trouvé du travail. Ouais. Bravo, Gérard, est-ce que tu peux dire en quoi consiste ton travail? Moi, je suis très fier de toi, ça me fait plaisir. En quoi consiste ton travail? Voilà. Écoutez, ben, ça consiste à remplir les yaourts, un par 10, c'est tout. Manger plus de yaourts, quoi. Et c'est pour ça, maintenant, vous allez enfin comprendre pourquoi, tout à l'heure, j'ai demandé à parler de nourriture à Sandy et à Gérard, parce que Gérard est un spécialiste de la nourriture, et tout particulièrement des desserts. Sur des yaourts nature ou aux fruits que tu remplis? Mélangé. Oh là là. Ouais. Alors justement. Mais ça, c'est des yaourts qui sont livrés, espèce d'andouille. Bah, attends, alors, moi je te demande. Tu bosses combien d'heures par jour tu bosses dans le yaourt? 3 heures dans le yaourt. Alors, il y a du yaourt. Non, il est. Toi, tu regardes là où il est là. Mais il remplit quoi, Gérard? Non, il remplit des yaourts. Gérard, explique à Super Nana. En quoi consiste ton travail exactement? Et Maurice aussi, parce qu'il est un peu sur le cul, là. Pour une fois que t'es un spécialiste du yaourt. Non, mais là, c'est... Devant le micro, c'est la dernière fois. C'est là, tu... Bon, attends, pousse la... Non, parce que tu donnes des leçons à ta femme, mais ça fait 5 ans que tu parles derrière un micro avec moi et tu sais toujours pas. Écoute bien à quoi consiste. Il m'a expliqué tout à l'heure à la cafette, c'était très intéressant. Non, on est là, Maurice. Là. Oh. Mais qu'est-ce qui branle? Sandy, sort du studio avec Sildar, donc l'autre, il va me la sauver. Alors, Gérard, vous avez eu tort, elle a eu tort de dire qu'elle aimait ça, hein, tout à l'heure, la sodomie, parce que Fildar l'a embarqué, et je crois que... Enfin, alors, c'est quoi ton boulot, en quoi consiste ton travail, vraiment? Non, c'est là où que je suis à l'heure actuelle, donc c'est pour remplir les rayons qui sont devant moi, donc c'est de remettre des yaourts qui ont été livrés pour que les gens de l'université puissent manger, voilà. Et tu fais bien attention aux dates, s'il y a des dates limites et tout ça. Voilà. Tu respectes tout ça. Et tu vois, ça fait pas être ton cahier des charges. Voilà. Combien y a de styles de yaourt? Il y a, comme disait Arnold, il y a les yaourts sucrés, aromatisés, nature et... Et justement, dans les aromatisés, en parfum, ça peut aller de où à où? Bah, il y a de tout, hein. Vanille, citron, fraise, framboise. Yaourt au poisson, il y a ou pas? Non, pastèque, bon. Tout ça, non. Non, non, d'accord. Ça, c'est pas mon rayon, les steaks. Et dans les natures, il y a quoi comme parfum? Il y a que nature. Il y a que nature, il y a rien d'autre. D'accord. Et dans les natures au sucre, ça va juste à la. D'accord. Ok, très bien. Il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il y a des moyens, des petits, des grands, comme au McDo. Non, c'est. Il y a un niveau pour tout le monde. Non, c'est pareil. Pardon, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé encore dans ce sujet de fond sur les yaourts. C'est est-ce que tu fais aussi les yaourts à boire, qui sont donc plus liquides? Non, mais c'est pas. Ah, mais là, c'est un terrain glissant, là. Tu veux aller dans les yops, c'est ça? C'est donc une cantine, c'est ça? Voilà. Et il y a une personne qui met genre les entrées, une autre qui met. Lui, il est responsable des yaourts. Voilà. 3 heures par jour, non-stop. Gros poste. Donc tu travailles presque sur Fenwick. Et combien? Tu travailles sur des camions. Comment ça se passe? Est-ce que tu manipules un diable? Non. Ça se tape. Non, c'est dans les chambres froides qui sont derrière. Oh là, c'est impressionnant. Alors là, c'est très impressionnant. Pour bien qu'on comprenne bien un peu comme les Bogdanov, en palette. C'est sur des chariots. D'accord. C'est sur chariots, c'est tout. D'accord. Donc t'as des chevaux, tu tires des chevaux. C'est un chariot. Ça s'appelle. On appelle ça des caddies ou des chariots, mais normalement. C'est des Rolls. Attends, c'est le terme. Ah, c'est des Rolls. Un million d'euros, ça fait cher quand même le yaourt. Hein. Mais non, c'est pas les voitures. Rolls dans la. Mais non, c'est pas les voitures. Oh là là. Dans la chambre froide, on Rolls Royce. C'est bon. Puisque c'est des caddies Rolls, est-ce que le volant est à droite sur ces caddies? Il y a pas de volant, espèce d'andouille. Donc là, tu dis que c'est une Rolls. Tu vas chercher donc avec ta Rolls, tu vas récupérer des yaourts dans la chambre froide. Tu récupères combien? C'est des combien? Des stocks de 50, 60 d'un coup par palette? Ça dépend de la quantité qui me manque. Alors, par exemple, admettons qu'il y ait une quantité de 100. Je mets carrément 100. Déjà. Ah, tu vas jusqu'au yaourt? Ouais. Ah ouais, c'est chaud ça. Alors, admettons qu'on te demande. Par exemple, il y a un client du sel qui va attraper lui qui va bouffer 100 yaourts d'un coup. Ah, okay. J'en remets 100 derrière. Alors, t'as un responsable qui est derrière toi et qui te fait Gérard, 100 yaourts et t'en ramènes par, je sais pas, t'es crevé, t'en ramènes 110. Les 10 yaourts, c'est pour ta gueule? Non, parce qu'il y a d'autres personnes derrière et les 10 autres qui restent, ils partent. Faut qu'ils se démerdent, Alors, s'il reste les 10 autres à la fin du service, c'est toi qui les manges? Non, parce que les dates, comme elles sont encore bonnes, donc retourne dans le frigo. Ah ouais, ça va juste. Qu'est-ce que vous faites quand les dates sont. Tu sais, c'est la date limite, il reste plus qu'un service. Il faut absolument donner les yaourts parce que sinon après ils peuvent plus servir. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont vont à la poubelle. Ouais. Oh, le scandale. Ils vont à la poubelle, ah, bah, c'est oui. ça le scandale. Attends, mais vous gâchez la nourriture comme ça. Bah non, mais bien sûr, non, mais là, un grand scandale, c'est le scandale des yaourts, parce qu'il y a des gros dossiers là. Moi, je voudrais surtout savoir combien il est payé. Ah ben ça, c'est pas, mystère, c'est pas lui-même. Ça, je ne dirai pas combien que je suis payé. Ah ben t'as bien raison. Comme ça le regarde pas lui non plus, apparemment, même lui, ça le regarde pas. Je sais, mais moi, moi ça me regarde, mais ça ne regarde pas les autres. J'avais écouté une fois un excellent débat que tu avais fait, mais il y a super longtemps, c'était sur les 35 heures. Et je voudrais savoir si là... Est-ce qu'il y a 35 heures dans le yaourt, ouais. Non, mais moi, je fais 3 heures par jour. 3 heures, voilà. Ça fait par jour. Donc, tu travailles 5 jours. Donc, tu leur dois des yaourts. 3 fois 5, 15, tu fais 15 heures. Donc, tu leur dois des yaourts. Concerné, ouais, tu leur dois des yaourts. Bah non. Ah bon. Tu fais moins d'heures que les 35 heures, t'es payé 35 heures, tu dois pas de yaourts. Bah non. Ah, y a un truc que je saisis pas. Là. Qu'est-ce que tu fais des pots de yaourts après? Bah, ils vont à la poubelle. C'est bah, pas vous moi pourriez très bien mettre un fil entre deux et faire des taki-walki. Mais non. Ce qui est pas qu'il y ait le marché noir du taki-walki de poignard. Ouais, non, je m'en fous, moi. C'est pas que t'as rien à branler, de savoir qu'il y a des camions, des supermarchés qui viennent de Bulgarie pendant ça te... Moi, je m'en bats les couilles. Vous allez, justement, vous avez des yaourts bulgares ou pas? Non. Non. C'est... Si tu devais faire un classement des 5 meilleurs yaourts. Même en arôme. C'est quoi? En arôme, en marque, en... Qu'est-ce que tu peux demander ouais, c'est quoi le truc à la mode en ce moment dans le yaourt? Les 5 plus demandés. C'est nature. Yaourt, non. Alors, yaourt aromatisé. Tu vois, on se fait mais à quoi? Oui, mais à quoi? Quel parfum? Bah, à tous les parfums. À tous les parfums. Bah, tous les parfums que j'ai cités. Ah, mais il y a vachement de gens qui travaillent dans cette cantine, là. Ah, bah, ils sont, je sais pas, vous êtes combien dans cette cantine? Oh, il y a quand même deux étages. On est, ah ouais. On est quand même pourquoi, nombreux. Gérard, ah. c'est eux qui t'ont désigné ce poste-là, ou est-ce qu'il y a eu un moment où t'as pu choisir? T'as fait des études de... Non, c'est pas moi qui ai choisi, c'est eux qui... Mais t'es diplômé, je veux dire, tu t'es vendu, parce que c'est des postes qui doivent être très demandés, non? Non, c'est un truc que j'ai trouvé comme ça, c'est tout. Bah, il faut gagner sa thune. Hein. Mmh. Ouais. On a tous fait des trucs. Bien sûr. Ouais. Mais moi, perso, je t'aurais mis aux boissons. Bah, aux boissons, c'est par distributeur. Ah non, ça l'emmerde, c'est qu'il va passer directement à la bécane. Non, mais pour revenir au yaourt quand même, parce que tu sais que c'est... Qu'est-ce que t'as fait de pire, toi, Max, pour gagner ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait de pire? Monsieur, ça fait 5 ans que je le fais intervenir sur cette antenne, je ne sais pas. Non, mais sérieux, pour gagner des thunes, qu'est-ce que t'as fait de... Ça ne met rien? Non, sérieusement rien. Et toi? Bah, je suis en train de chercher et j'hésite entre deux trucs. Est-ce que c'était de me lever comme un con pendant un an à 4 heures du mat pour me faire pourrir la vie tous les jours quand je bossais en long terme? Mais tu fais de la radio, c'est un truc que t'aimes. Ah ouais, mais... Attends, lui, il a pas envie de mettre des yaourts toute sa vie dans des rayons. Non, t'en sais rien. T'as envie? C'est le meilleur job qu'il ait jamais eu. Moi, je m'en fous. C'est moi, il y a qu'un truc que je voudrais refaire, c'est de la route, c'est tout. Ouais. C'est quoi, toi, l'espèce de trou du cul de... C'est pas de la route, Gérard. Tu es même pas capable de faire un défi correctement, tu pourrais mieux fermer ta gueule. Et pourquoi tu peux plus... tu fais pas de route? Pourquoi tu fais pas de route? On rappelle que t'es un ancien routier. Non mais, si vous rigolez à chaque fois, putain, monsieur n'a plus aucune crédibilité. C'est un ancien routier, il n'a plus, il ne peut plus malheureusement aujourd'hui... En manège. Ah oui, c'est parce qu'il a eu un accident. Il a eu un accident. Aujourd'hui, il retrouve toutes ses facultés. Donc tu vas pouvoir... Attends, j'ai pas fini. Jusqu'à la hauteur des épaules, passer des épaules, ça suit plus. Mais des épaules jusqu'aux pieds, ça y va. Et Gérard va bientôt en faire de la route, n'est-ce pas, Gégé? Je vais voir quand. En simulation. Bon, c'est comme quand t'arrêtes tes études, tu peux toujours refaire tes études, tu sais, par correspondance. Et ben lui, il va faire ton permis routier est toujours valable de toute façon là. Alors qu'il est bon, bah voilà, tu peux refaire, tu peux remonter dans un camion quand tu veux, quoi. Bah pratiquement. Ouais, mais, comme ça, j'aurais pu la. Mais t'imagines, GG, le jour où tu reprends la route. T'as un chargement de yaourt. C'est énorme, ça. Mais t'imagines? Non, mais peut-être que tu seras routier par correspondance. Le mec, il t'enverra du courrier. Tu reçois, t'arrives le lundi, t'as ta boîte aux lettres, ouvres le courrier. Bonjour, monsieur Gérard. Donc, nous sommes en ce moment à Paris. Vous allez à Limoges livrer du truc. Tu restes chez toi. Et tu fais tout chez toi. Tu prends une carte avec un compas, tu fais ton truc, tu fais tout par route. Mais tu restes chez toi. Comme ça, je n'aurai pas l'autre espèce de trou du cul de fil d'art, là, qui est bon à rien. Ah, il fait de la route aussi de temps à autre. Oh, hein, bah, tu parles, oui, de la route. Bah oui. Il fait du pari, il n'est même pas capable. Bah quoi? C'est un incapable. Bah si, mais moi. Je rappelle aux auditeurs, d'ailleurs, pour ceux qui sont là, il y a des profs de français qu'on ne prononce jamais le L entre le B et le E. C'est incapable. Portable. Portable. C'est une feignasse. C'est non mais. Tu es insupportable. Quand il pleut, c'est une feignasse. Il est même pas capable. Est-ce que je peux te parler? Pas capable. Je peux témoigner en sa faveur. Là, on te parle pas de défi. Oh, putain! Je te parle de. Oh, la chienne! On a encore un peu autour de la bouche. T'es belle. Ah oui, c'est vrai que. Une étoile filante. Et rayonnante. Tu illumines. Ah, c'est joli, c'est magnifique. Elle est belle, ta femme. Ouais. Je dirais qu'elle est belle, je dirais qu'elle est bonne. Il faut que tu t'éloignes encore un petit peu plus du micro, qu'on t'entende encore un peu moins. Ah, allez, rapproche-toi, mon amour. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je disais que c'est ma sœur qui m'a donné la jupe. Mais tu avais dit tout à l'heure, ouais. Demande-lui après la prochaine fois de te donner des cheveux aussi. Et même qu'elle m'a donné une jupe bleue, mais puis je suis pas. Elle nous aime vraiment pas, hein. Ta sœur ne t'aime pas. Manu, s'il te plaît. Oh, tu vas où, toi? La vie privée des gens te regarde pas. D'accord, Gérard. Okay. Bien joué, Gérard. Je m'occupe pas de la tienne, alors. Et pourtant, Gérard, tu pourrais dire des trucs, parce que entre la femme de Manu qui est là, la mère de Manu qui est là, enfin bon, il y a pratiquement une bonne partie de la famille, et tu pourrais. Non, mais moi, j'ai rien à dire sur la vie des gens. Tu as rien qu'un truc. Monique, la mère de Manu, elle est juste à côté de toi pour te venger de Manu, déjà. Regarde, lève ton bras gauche. Non, mais. De manière, j'ai toujours dit que ceux qui en avaient après son lit ou sur moi, les gens, je les emmerde. Moi aussi, je me joins à toi. Moi, la vie privée des autres, ça ne les regarde pas. C'est pour ça qu'on fera un débat. C'est pour ça d'ailleurs que, comme ils s'en mêlent pas de la vie privée des gens, on fera bien un débat sur l'affaire Nibidi. Ouais. Bravo. Ça, c'est autre chose. C'est moi, ça rôde aussi. Et ça, c'est il faut du courage. Et justement, Gérard, puisqu'on parle de Nibidi, la Sibylle. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Il y a des moments, j'avais oublié qu'on faisait de la radio, là. Ouais, je sais. Mais par contre, lors du débat de Lididi, ça ne reprendra pas. C'est quand c'est d'ailleurs jeudi 2 novembre. 2 novembre. Novembre. Il ne faudra pas oublier. Parce qu'on prononce pas non plus l'air. J'ai oublié. Vous auriez pu avoir l'humour de le faire le. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Gérard? Il ne faudra pas oublier qu'il y en a deux qui ne seront pas dans les studios déjà. 1er novembre. Maurice et. Non. Non, les deux tourtereaux là-bas. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est personnel, on s'en fout. Et pourquoi vous le faites pas le 1er novembre? Non, parce que c'est un jour férié. Et c'est un jour férié et il y a le mix de Léo. Ah. Le mix de Léo, c'est un truc qui a lieu tous les mercredis. Monsieur ne veut pas toucher à la grille de Fun Radio. Et en plus de ça, c'est un jour férié. Donc, il y a peut-être pour lui la possibilité. Oui, c'est férié, mais c'est un peu en relation, si tu veux, quand même. Férié, double prime. Peut-être deux fois plus novembre, de Léo. Il a du boulot. Novembre, le 1er novembre. Novembre. Voilà. Mais l'idée était bonne, quoi. Mais il y a une petite. Puisque t'as des petites bagues celtiques, c'est ça représente quoi, Edouard Romain d'Argent? Non, il y en a deux que c'est mon beau-père qui me les a offerts. Ah, bon. Il ne t'aime pas non plus. Le beau-père, c'est celui qui faisait, quand tu faisais pipi tout à l'heure, qui t'a appelé pour me souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Et c'est des bagues qui vont que à ces doigts-là. Montre à Maurice comment elles sont belles. Montre. Ils vont pas sur ta cam, Maurice. Non. Regarde ça, c'est pas de la belle bagouille. Super Nana, c'est pas de la belle bagouille, ça. Ah, je vois pas. Je suis sûr que ça doit être chargé à l'amiante, tout ça. C'est quoi ça? Je pense que c'est des trucs. Non, mais ça, t'inventes un nom, un truc comme ça, t'inventes, c'est bon. C'est des trucs que son père m'a donné. Ça doit pas être évident, fils fucking, tout ça. Tu les enlèves, les bagues, quand tu du fou. Mais tu mets pas un doigt. Mais non, je me mets pas dans. C'est quoi comme montre? C'est une Rolex? C'est quoi? C'est quoi la marque? Rolex. Non plus. C'est quoi? C'est même pas marqué. Avec le vent, la marque c'était pas. Glavio. C'était le vent de la merde. Non. Un coup de vent, la marque c'est pas. C'est pas marqué, on cite pas les marques à l'antenne. Mais si tu peux. C'est pour ça que t'as un truc Hera. Si, si. Si, terminé. C'est quoi la marque que t'as là? Ta montre, c'est une belle montre, Cormier. Là, mon salaud. Comment? Cormier. Sans ma barre. Pour ça, tu peux la citer, hein, ça ira. Non, c'est monsieur Cormier. C'est monsieur le cadeau qui t'a fait ça. C'est monsieur le cadeau. Ah, c'est le monde. Le principal, c'est que ça marche. Voilà. Exactement, mais ça risque pas de s'arrêter, il y a qu'une aiguille. De toute façon, il sera là parce que de toute façon, sa montre ne marche plus. Il est plus dans le temps, lui. C'est un trou noir, lui, tout seul. Le temps s'est arrêté. Gérard, bon, Gérard, tu me fais bien plaisir d'être venu ce soir. Ben, c'est moi qui te remercie. Voilà. Et en tout cas, moi, j'ai hâte d'entendre le débat de. Bah, tu seras là, toi. Tu seras là, alors. Et en revanche, quand le ton. Ah oui, on revient au déjeuner de Sandy. Sandy, quand est-ce qu'on va. Non, mais. Sandy, pas besoin du casque, elle nous entend parler, il n'y a pas besoin du casque. Bah, c'est quand vous voulez, hein. Voilà. Ah, c'est bien. Bah, vas-y, donnez une date, il faut qu'il y en ait un qui se mouille, là, non? Ouais. Je vais dans la date. Ouais, tu te débrouilles, c'est toi qui a. Non, mais c'est. Ben non, c'est toi qui as proposé la recette. Quand vous voulez, on va inviter quand même. On va se concerter. On regardera dans le calendrier et on verra. On pourra une date dans le calendrier. Dès que c'est possible. Dès que c'est possible. De toute façon, on donnera tous nos numéros de portable. Ouais. Hein, et comme ça, ça va être bien. D'accord? Et méfiez-vous de pas être injoignable. Ah ouais, parce que ça, c'est insupportable. Hein. Moi, bon. J'aime bien Sandy. Elle est vachement. Ah, les premiers degrés. Non, mais. Elle est adorable. C'est une. Elle est souriante et tout. C'est une petite merveille. Vraiment, pour ceux qui. Vraiment, allez-y à ce déjeuner, parce que sinon, pour Gérard, ça risquerait d'être insupportable. Un énorme lobe d'oreille, je n'avais pas vu. C'était une toute. Non, mais Gérard est un peu souple. Non, mais regardez, Sandy, non, mais je présente pas. C'est pas pour faire de la radio, mais. Tu vois, regardez. Alors, regardez le lobe qu'elle a là. C'est vrai, hein. Regarde. Mmh. C'est une oreille, hein, si tu veux, quand même. Max. Non, mais énorme lobe, je trouve, par rapport à l'épaisseur, la taille de l'oreille. Parce que quand j'étais petite, j'ai eu un kyste à l'oreille. Ah, non, il y avait une raison, il avait un kyste. On y vient. Des choses qui arrivent. Il y avait quand même, vous me dites, il y a un gros lobe. Alors, là, par contre, là, effectivement, tu vas te remettre devant le micro, on relance un débat. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette histoire de kyste? Raconte-moi. Bah, je sais pas, c'est mes parents qui m'ont raconté ça. Quand j'étais petite, j'étais bébé, j'ai eu un kyste, et ça fait que j'ai eu une oreille plus petite que l'autre, donc. Et voilà. Et c'est là où c'est important. C'est quoi, ça se voit pas en c'est plus? C'est que Gérard lui-même maîtrise le kyste. Non, mais t'as eu. C'était pas un tic à la campagne, non? T'as eu, mais t'as pu. Non, je sais pas ce qui s'est passé en fin de compte, mais bon. Une sorte de frelon qu'il aurait. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais. Tu t'en sors très bien. Kyste, bon. Ouais, tu t'en sors très bien. C'est vrai. Et toi, Gérard? Un mois, rien. Un peu moins bien, mais. Oh, t'as eu un. Bon. Non, mais moi j'avais un truc quand j'étais petit, quand je suis né, ça va vous épater, j'avais le filet, tu sais, ça, sous la langue, ça s'appelle le filet. Oui. Et ben, ils étaient obligés de me le couper parce que je ne pouvais pas parler. Comme le chanteur de Kiss, et après tu peux tendre la langue jusqu'à la hauteur de ce qu'on va te faire. T'imagines quand même comment ma mère a regretté après. Ah, quand tu même, m'étonnes, hein. Oui. Ah oui, ça arrive, ça. Ah oui. Ah, ouais. Moi j'ai rien eu à la naissance, j'étais beau déjà. Oui, Maurice, tu voulais dire un truc? Qui va là, je te prie. Mais en fait, moi, je me demandais où ils s'étaient rencontrés tous les deux. Ah, bah, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? C'est la radio, à mon avis. Hein? C'est grâce à qui? Grâce à qui ça a été possible? Ah, c'est grâce à moi, C'est pas. Mais en fait, moi, j'écoutais Max depuis longtemps et j'écoutais Gérard aussi. Et en fin de compte, j'ai écrit à Gérard. Pour les manèges, trop de food. Je lui ai écrit une lettre et puis après, bon, j'ai laissé mon numéro de portable. Et c'est comme ça portable. Qu'après ouais portable excuse-moi portable. Et c'est comme bah après tout de suite il m'a téléphoné et quand il m'a appelé bah j'y croyais pas et puis coup de foudre. On s'est donné rendez-vous plusieurs fois et puis après bon ça a été tout seul. Et alors mais il t'a embrassé quand? Est-ce qu'il a mis longtemps à t'embrasser? Comment ça s'est passé la première? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit lors de cette première rencontre? Nous on est en train de chambrer, mais n'empêche que eux, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble et heureux. Ils chambrent pas, on demande. Bien sûr qu'ils sont heureux, tant mieux, heureusement. Toi t'es tout seul. On chambre pas, on plaisante. Explique-nous. Pas la même chose. Vas-y Shining. Alors. En fait, quand on s'est rencontrés la première fois, bon, on a beaucoup discuté, on a parlé de tout et de rien. Surtout de rien, un petit peu de tout, mais surtout de rien. Je sais pas, après, il m'a proposé d'habiter chez lui, donc je direct. À l'époque, dis donc, t'étais un gentleman, toi. Et t'habitais où? Et comme moi, j'avais envie d'avoir mon indépendance, et j'avais envie de partir, et puis d'avoir mon indépendance, quoi. Pas de vivre, quoi, de t'éclater auprès d'un homme de radio. À moi et tout ça, et non, on s'est plus la première fois, il y a eu un feeling, je sais pas ce qu'il y a eu, et bon, c'est parti tout seul après. Et depuis, tu regrettes ou non? Non, c'est génial. Non, en fait, je regrette pas, non. En tout cas, tu l'as pas choisi pour son argent, quoi, ça c'est cool déjà. Non, quand même pas. Non, mais t'es pas vénal. Qu'est-ce qui t'a séduit? C'est un compliment, Gérard. Non, mais des réflexions comme ça, c'est pas parce qu'il y a ta maman qui est. Et au bout de combien de temps? Des trucs, des questions comme mais ça. Mais Gérard, attends, c'est des choses très romantiques. C'est beau ce que j'ai dit, Gégé. Attends, mais c'est beau ce qu'il a dit. C'est des choses très romantiques. Bon, alors, quelle est la première chose qui t'a séduite en lui? Déjà, côté physique, qu'est-ce qui te plaît le plus en lui physiquement? C'est quoi? Bah déjà, j'adore les hommes à moustache, donc. D'accord. Quelle est pour toi sa plus grande qualité à Gérard? Alors, sa plus grande qualité, c'est qu'il moustache. Sera... Ah, tu trouves pas? C'est pas grave. Il est gentil. Ah, il est gentil. Mais c'est vrai, il est gentil avec toi. Il a un cœur gros, Et son plus gros défaut? Son plus gros défaut, c'est qu'il râle tout le temps. C'est qu'il dit qu'il va se laver, puis il le fait jamais. C'est vrai, tu râles tout le temps, point oui, point non, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Ça t'énerve? Bah moi ça m'énerve parce que à chaque fois il me dit oui faut pas faire ça comme ça et tout, c'est genre le mec maniaque et tout, c'est pas Il te donne des conseils pour la radio des fois quand tu viens me voir et qu'on fait des conseils déjà récents, est-ce que avant il te conseille, ce qu'il te donne, il t'explique? Non, il me conseille pas trop. Non, parce que moi j'ai envie de venir, donc il y a pas de problème. Vous marchez au filinge? Non, non, pas. Enfin, non. Je sais pas, mais bon. Gérard, toi, quelle est la plus grande qualité pour toi par rapport à pour Sandy? C'est vrai qu'on en a jamais parlé. J'apprends plein de choses ce soir. Ça, avec moi. Moi, j'ai rien à dire de ce que d'accord. Non, mais c'est tu préfères en elle sa plus grande qualité pour toi d'après. Non, mais tout, sa gentillesse et tout, c'est tout. Et son défaut, c'est un petit défaut quand même. Petit défaut, c'est qu'elle est un peu trop gueularde ouais. Quand même. Ça, ce qu'elle supporte pas, c'est la cigarette. Alors merde. Bah, la cigarette et la pipe, c'est ah, les oui. Joueurs de ça. Oh, non, arrête, on entend la ah oui, quand on vient sur demi, on aime la pipe quand même. Non, surtout après. Non, mais ça, tu réponds à la question que Maurice à côté de toi t'a posée. Je parle pas trop près parce que c'est pas Maurice qui m'a posé la question, c'est Max. C'est Maurice qui a voulu savoir comment qu'on s'était rencontrés. Ouais, non, mais je parlais de la. De ouais, parce que c'était Maurice qui avait parlé. Elle a répondu à la question maintenant. Donc, plus de questions sur le couple. Si, au bout de combien de temps ça. Ça sent mauvais. Non, mais bon, ils ont parlé longtemps et puis après. Alors, ouais. Ouais. Bah après on est sortis ensemble et dès le premier soir clac. Non pas dès le premier soir au bout de je sais pas 3 semaines ou peut-être un mois je sais pas. Il y a eu du flirt quoi. Bah oui avant on se voyait beaucoup donc Voile ou tout ça. Il a pas l'air d'être d'accord. Paris banlieue où est-ce que vous aviez rendez-vous? C'était du côté de juste à côté de chez moi. C'est-à-dire? Je sais pas si je dois citer la ville, tu peux la dire. Bah c'était à Gabriel Péri. Non, t'aurais dû pas le dire. Ouais. Ça aurait dû garder pour toi. Mais je ne sais pas. Et Gabriel Péri, ça se trouve au sud de nulle part. Non, Gérard, c'est d'accord. Ça se trouve entre Agnières et Gennevilliers. Ouais, voilà. Vous avez des projets ou un projet, un gros projet? Un enfant peut-être? Une séparation? Disons que moi j'ai vraiment envie d'avoir un enfant, mais c'est vrai, j'ai vraiment ce désir, mais pas pour l'instant. Ah, bon, pas d'urgence, hein. Mais comme elle est fan de sodomie, ça se fait pas tout de suite. Pour l'instant, c'est la sodomie. Hein, tu rappelles Gérard, tu l'as déjà dit une fois dans un débat, il avait prévenu les jeunes un soir parce qu'il était un peu choqué, il a dit vous ne pouvez pas avoir d'enfants si vous faites la sodomie, hein Gérard. La sodomie, si les enfants, on peut pas avoir d'enfants par la sodomie, tu avais dit une fois dans un débat. Ouais, je confirme, tu peux le redire. Mais ça je le maintiendrai et est-ce donc, que tu maintiens par la sodomie, vous aurez d'enfants. Et par contre tu dis 3 semaines. Si on en a mais à ce moment-là ça devient un petit trou du cul. C'est un petit trou du cul à ce moment-là. Ouais, mais faut avoir un petit cul comme ça. Ouais. Pas un gros cul comme ça. Voilà. Donc je reviens sur ce qu'elle disait. Donc on est sorti une semaine après ensemble. Pas 3 semaines comme tu dis. Ah bon, tu crois? Le GG c'est un rapide. Hein. Parce que c'est moi qui. C'était sa langue. Chose, que le jour où que je t'ai demandé de sortir avec moi, j'étais Max sombre. Peut te le dire, il m'avait raccompagné de la loco au studio. On était à Neuilly. Et je suis resté plus de 4 heures avec toi au téléphone. Exact. Et juste une question, parce que là, tu viens de parler quand même de la loco. Moi, j'ai souvent, vraiment entendu, alors je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais là, profitons-en que ce soir, c'est un peu le jeu de la vérité pour que tu dises si réellement, oui ou quoi, il s'est réellement passé des trucs avec toi dans les toilettes, dans les chiottes de la loco. On disait à l'époque, effectivement, quand je lissais des soirées à la loco, que tu te faisais enculer dans les chiottes. Ça, c'est des conneries, c'est des rumeurs qu'on t'a dit, comme ça a continué à l'heure actuelle avec des tracts. Et ça, j'en ai ras le bol. Alors, Parce que je n'y mets plus les pieds et c'est tout. Depuis qu'il y a eu ce bordel là, maintenant je n'y vais plus. Voilà. C'est tout. Voilà. Moi j'ai baisé dans les chiottes de la loco. Toi oui. Non mais son problème à lui c'est que lui à un moment donné il y avait des tracts. Qu'est-ce que c'est? Un tracts, c'est un truc, un papier où il y a des trucs écrits dessus quoi. Des trucs écrits dessus, c'est des flyers mais ça s'appelle des tracts. Ouais. Bon bah on voyait des tracts. Ah des tracts pardon. Alors par exemple, dans des tracts comme dit Gérard ou dessus tu pouvais en des trucs, il y a marqué des trucs impossibles. On a pas un vieux track Fildar non qui traîne non dans le. Et alors c'est quoi la relation avec à Maurice qui vont être à mon avis très scandalisés. Une fois que t'auras mangé tous tes petits bonbons. Ouais. Je comprends pas moi. Mais moi j'ai été baisé dans les chiottes sans trac. Hein. Ouais, mais le problème de Gérard, c'est que si tu veux. Il y a plein de malfaisants qui mettent des tracts sur lui disant Gérard fait ça, alors c'est pas vrai, ça lance des rumeurs. Ça regarde, c'est son problème à la rigueur. Bon, tu l'as pas fait, mais ça le regarderait. Mais le problème, c'est qu'il y avait des tracts que tu vas lire où on disait, par exemple, sodomie plus breakfast, t'en avais pour 1500 francs, double sodomie plus breakfast, c'était 2000 francs, pipe, c'était 20 francs, double pipe, c'était 50 francs. Il y avait des tarifs qui étaient carrément accrochés dans la boîte. Ah. Donc, sa vie privée ne regarde que lui, mais de là aller... Juste, la double pipe, M. Gérard, c'était quoi? C'est comme bah, on va lire le track exact, mais. Non, mais. Savez, juste même, savez, jusqu'à 1500 francs, c'était double pénétration, plus que breakfast. Moi, je dis que dans la vie, il y a des amis qu'on aime et des amis qu'on n'aime pas, quand même. Hein. Là-dedans. Double pénétration, plus petit déjeuner. Yeah, c'est mais t'as pas une nuit d'hôtel là-dedans. À 1500 balles, c'est une 4 étoiles. Alors, c'est ça qui est scandalisé à l'époque. C'est le fait de même pas avoir une petite nuit, même pas deux petites heures de sommeil là-dedans. C'est que tu te fais enculer, double sodo, breakfast. Ouais. T'as pas forcément après t'avoir fait enculer, pour manger un petit toast. Alors, t'as plus envie d'aller te coucher. Parce que, en fait, t'enchaînes la deuxième sodomie au breakfast, t'enchaînes. Ouais. Il n'était pas possible en revanche d'avoir une sodomie et deux breakfasts. Non, bah, tu pouvais te faire enculer avec des œufs brouillés, c'était 700 francs, mais. Et Arnold, t'as jamais baisé dans les chiottes de la loco? Non, bah, je suis jamais carrément allé à la loco aussi. Non, une fois, je sais crois, ce qu'on a dit. Comment, mais faut arrêter la loco, allons. Bah si, mais faut baiser vite, hein, parce que je vais te dire. Ah oui, bien sûr. Ils ont les portes tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc les tarifs sont ouf. C'est en euros. Alors, mais j'ai pas compris, c'est ce que prenait Gérard ou non, c'est non, attends, tu vas comprendre, tu vas. Non, super nana, ce qu'il y a, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit con, Mico, il y a une espèce de petit branleur qui s'amuse à envoyer ça. Tiens, ici. Lis-le. Et tu devrais rire, ça doit. Je peux pas le lire. C'est un petit branleur qui s'amuse à faire ça et qui s'amuse à le déposer à la radio. C'est drôle, Gérard. Un mec s'appelle Fesse de Babouin. C'est peut-être pas Fesse de Babouin, je crois que c'est Boule à Facette maintenant. Il y a un autre mec. Mais est-ce qu'on peut le lire au moins? Il va le lire, parce que bon. Non, moi je lis. C'est de l'humour. Je ne lis rien. C'est de l'humour. Non. C'est des grands dossiers. Non, mais ça, il est hors de question. On en a parlé 10 fois en direct. Maurice est là. Les super nanas qui sont des professionnels te le diront. Si tu le lis en direct, les avocats de fun ne considèrent pas ça. En direct. Maintenant, j'en ai rien à foutre, j'en ai marre. C'est tout. Mais, je comprends pas qui baisse. Mais voilà. T'avais pas demandé à ton connard d'aller t'en chercher. Ah, parce que là, t'es en train de gâcher la soirée. Ouais. Mais non, c'est du bon. Mais non. Gérard. Mais justement, je veux savoir qu'est-ce qui te choque, en fait, dans ça. Qu'est-ce qui te gêne, en fait, là-dedans? Non, parce que là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'on parle de ma vie. On parle de son disque, donc j'en ai ras-le-bol, c'est tout. Ma vie privée ne regarde pas les gens. Donc à chaque fois, je vais pas le dire. À chaque fois c'est l'espèce d'enculé de sa race. Mais non, mais à l'antenne. On reçoit sans courrier. Non, mais au lieu de la fermer, ouais. Et ben, il est à l'antenne, comme ça, tout le monde le mais sait. Non. Alors après, mais c'est là, mais non. Sans arrêt, tous les mois, ça empile. Alors après, Et après, il se retrouve avec un truc comme ça, qu'il n'ose pas lire. Mais non, je crois que je donne ça aux avocats. Ça ne change rien, ta vie. Mais une fois, à Suresnes, on a eu des emmerdes. Non, mais d'accord, mais on rentre dans les détails. Non, ce que je voulais dire à Maurice. Moi, je veux que ne comprennent pas. C'est des tracts. Donc, des courriers qui sont très officiels, distribués dans les boîtes aux lettres de France et de Navarre, que nous, on essaie de stopper. Donc, j'ai monté un gros dossier avec les avocats de Fun Radio. Donc, on a, mes problèmes, c'est que pour valider ça auprès de mes avocats, Gérard le sait, auprès de huissiers compétents, j'ai besoin à ce que Gérard le lise en direct afin, quelque part, de immortaliser la chose. Moi, j'ai pas eu ce document n'a pas été lu en direct. C'est une connerie. Alors moi, je vais pas le lire en entier, mais juste, c'est New Catalog 2000, encore plus fort. Hein? Donc, nouvelle grande OP sexe du siècle. Ça me fait rire, mais ça m'énerve. Alors, en partenariat avec Martini, Carrefour, Régression sur TF1, BNP Europe 2 et Energy. C'est pour dire jusqu'où ils vont, les mecs. C'est qu'ils vont carrément faire des partenariats avec des radios concurrentes. Au moins, des téléphones dedans. Il y a plein de gens qui voudraient tout le monde, là. Évidemment, pour l'an 2000, Gérard de Paris, c'est le FIC. frappe encore très fort avec des nouveautés pour profiter au maximum de son petit corps collé et souhaiter de connaître le plaisir. Bon, je passe. Bon, alors, par exemple, la masturbation 2003 euros. Hein, quand même, c'est du sérieux, c'est gros dossier. Avec manière, ça te fait rire pour moi, alors tu fais ce que tu veux. Ça me fait rire parce que moi j'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est nerveux, il est tard, Max est fatigué. Gérard, de dire ça à l'antenne le jeudi. Essaye. J'irai pas. Je gère tout ça. C'est tout. Masturbation 2003 euros avec gants de crin 5 euros. C'est au choix. Alors il y a une fellation. Je peux pas. Avec dentifrice 10 euros. Avec Monsieur Propre 15 euros. Alors, mais c'est une manière de compatir, Gérard. Ah bah voilà. On est allé. Donc la Gérard est allé se plaindre. Ouais. Une seau d'eau avec cerise griotte, 35 euros. Ce double pit party, 40 euros avec des sardines à huile sous réserve de stock disponible. Le cuny à sardines, c'est 60 euros. Avec au choix des frites mayonnaise ou du... On parlait de cuisine tout à l'heure. Ou du champomis. Donc quand même, il y a du choix là-dedans. Alors, je vais pas tout lire parce que ça serait... Ça va jusqu'au rasage intégral du cul de GG. Plusieurs options avec Bic pour fin couture, 500 euros. Ou petit ciseau de coiffeurier pour 1000 euros. Donc là, je rappelle que pour Gérard, 1000 euros, vous divisez tout ça par 6,5. Alors, attention, pour chaque achat d'une pompe déodorante, on vous offre, bien sûr, tout risque de rejet anal. Alors, attention, introduction dans l'anus, deux bouteilles de shampoing bio, 1500 euros. Donc là, on commence à arriver dans les gros chiffres. Deux poissons rouges vivants, appelés Bubule et Bébelle, pour 1800 euros. Super bonus, gants de boxe spécial, fist fucking, pour 2000 euros. Ah, oui. Sandy, qu'est-ce que t'en penses? J'allume mon micro, hein. C'est intéressant, je sais pas, faudrait voir. Toi, t'as le sens des affaires, hein. Alors, méga rapport sexuel avec le New God du Millennium. Dit Millennium, hein. Alors, en or plaqué. Alors, envoyé avec trois petits abricots pour jouir en fruit. Pour jouir fruité. Donc, un stylo plume offert gratuitement sans frais. C'est plutôt bon esprit. Pourquoi pas? Partout à domicile en moins de 30 minutes pour 3000 euros. Ça, c'est plutôt sympa. Et il y a un petit bonus, Sandy, poids véritable, 4000 euros. Voilà, 150 kilos, super bonus. Sandy plus petit crapaud, alors Booba dressé pour être pervers, 5000 euros. Et puis, en plus, il y a des cadeaux, hein, donc il y a des petites brochures, etc. Il y a pas mal de petites choses. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, faudrait voir. Moi, j'ai pas tout lu, hein. Faudrait que les gens y passent une commande, ou je sais pas, comment ça se passe, hein. Voilà. Il y a aussi des petites sacoches pour ranger ses kystes, également. Il y a un appareil photo Kadok. Donc ça, c'est bien, c'est jetable. Et il y a une journée en ferraille miniature. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, voilà. Et aussi, pour un bon d'achat de 5000 francs en euros, pour une brosse à dents sans poils. Voilà. Mais c'est bien. Plus un appareil de stimulation du cerveau puissant, 10 000 volts. 1000 volts. Je sais pas ce que GG en pense, ce qu'il en pense. Je sais pas. Voilà. Mais non, mais c'est bon. Lui, il aime pas trop, mais bon. C'est des choses que, je sais pas, faudrait qu'il cesse quand même, parce que... Ah, mais si je le lis, là, c'est uniquement pour que ça cesse, quoi. Mm. Alors, 2000 P7, t'as pas grand-chose, hein, mais... moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, quoi. Je sais pas, la masturbation, 2000 pour 3 euros, c'est bien. En tout cas, tu vas t'arrêter là, après, hein. Tu vas avoir du mal à rattraper le coup, parce que moi, je suis sorti pour voir où était passé Gérard, et vraiment, il a l'air d'être très, très en colère. Quoi. Mais je sais, Villard n'aurait pas dû ramener ce document, mais il l'a ramené. Et, pourquoi il est vraiment parti? Ah bah non, il est pas parti, mais tu sais, il est tout au fond de la machine à café, tout au bout du couloir, et j'ai tenté de le raisonner un peu, et je crois qu'il s'est enfermé dans une pièce, un truc comme ça. Ah, il fait encore la gueule, hein. Ouais, mais à mon avis, je crois que je le sentais plutôt triste. Ah. Peut-être qu'il pleure à l'heure qu'il est. Hein. Peut-être que je vais peut-être aller le réconforter, peut-être alors. Ah, peut-être. C'est toi qui... Ah, mais c'est pas ramener de la musique, là, on va se dire au revoir, mais... Oui. On met un petit disque, non? Oui. Ah si, j'en ai un, ouais. Putain. Ah, oh là là. Ouais. Qui va ramener, alors, qui? Moi, je t'ai amené un truc, mais peut-être... Il est là, il est dans le coin. Moi, c'est un remix de Mojo. Bien. Ah, il a ramené... Mojo, ça me dit quelque chose, ça. Un petit disque. C'est quoi? Modo? Ah ouais. Mano! Ah putain! Allez, on va le donner cet après-midi. Hein? Le donner cet après-midi. Ah! Tu vois, donc on met une plage au pif, je crois. Bon, t'as pas eu le temps de l'écouter, je pense. Vas-y. Je sais pas. La 3. Allez. La 3? La 3? Oh non, moi, c'est plus. Dis-moi les titres, je vais te. Ah. Attends. Faut pas faire chier, mémé. Quoi. Ouais, non. Ça c'est marrant, ça. C'est vrai? C'est bien. Ça. La poupée! Non? Je jazz les couleurs. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Feu follet, ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien, non? Bah, ça fait 27 secondes, ça fait court, hein. Ah, bah oui, c'est un. Non, faut pas faire chez Mémé, on va voir ça. Ouais, je pense ça. En tout cas, merci à tous. On fait confiance à Maurice. On redonne l'adresse, site internet de chacun, pour vous écouter à la radio quand même, super nana. Netradio.fr. Voilà. Et c'est le mercredi. Mercredi et dimanche, 22h, 1h du matin. Avec Petit Guillaume. Avec Laurent Petit Guillaume. Voilà, qu'on, bon, on peut retrouver aussi sur France 3, le samedi matin où il fait une émission. Pardon. Où il explique comment on peut ramoner sa cheminée. Ah oui. Un truc de bricolage. Ah, oui. Ah bien. Maurice C'est à moi. Non mais. L'adresse. Non, le numéro de téléphone. Ouais. www.maurice-radio-libre.com. Ah bon, pour tirer Maurice. Ah, faut tirer à fond. C'est moi aussi, hein, c'est www.show-supernana, j'adore ça. Et on peut écouter maintenant, c'est fantastique. Ah hein. Putain. C'est que du rock par contre. Ah, ça prend la tête. Mais en fait, notre trip, tu sais, c'est quand même, on était un peu les premiers sur la FM, on s'est dit, allons les premiers sur Internet. C'est vrai. Et voilà. Voilà. Et après, il n'y aura plus de place pour les autres. Attends, nous, on est sur le net, sur le SAT et en FM. Vous êtes partout. Toi, des mêmes. Putain. Vous envahissez. Par contre, je vais t'expliquer les numéros de téléphone et les W et tout ça, c'est chiant. Hein. Ouais. Ah, bah, ah ça, c'est pas facile. Hein. Ça, faut maîtriser son alphabet. Hein. Ouais, tiens, bon, regarde. Ouais. Regarde, voilà. Ah. Et puis, on a quand même des auditeurs un peu riches. Ah, la notice. Oh, la notice. On a forcément des auditeurs un peu riches. Oui, Maurice, bon, c'est une, ça suffit. Hein, trois fois, là, je vais en lire trois fois. Parce que toi, tout le monde peut t'écouter. Avoir un petit poste, on peut. C'est ce que les ordinateurs. Ah non, t'es sûr? Non, non, quoi. Regarde comme ça. T'as le triomphe modeste, Maurice, et ça, c'est bien. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, parce que je suis en train de chercher en fait ce qu'il veut me dire exactement. Ah, t'as le triomphe modeste. Que ça doit forcément vachement bien marcher et que tu fais genre, bon, c'est pas la peine de lire de toute façon. Non, ça va, c'est bien. Non, mais moi je trouve ça bien. Hein. C'était même pas. Attends, c'est même pas une plaisanterie. Même pas une. Ouais, c'est pas. Sur Internet, tu sais pas vraiment si ça marche ou si ça marche. Bah, moi, attends, moi ce que j'entends dire par rapport à l'endroit où tu travailles, c'est que ça marche vachement bien. Ah oui, mais les gens ils cliquent, qu'après tu sais pas s'il reste 5 minutes ou 2 plombes. Ah, hein. Si tu sais. Si tu. Bah, il paraît qu'il y a des instituts qui s'occupent de ça. Non, ça y est, ils vont nous faire chier vite fait. Ah oui, ça y est. Bientôt vous aurez des trucs de pub, des machins, des. Ah, t'as pas passé le dernier mojo et tout, et tu vas te faire engueuler. Voilà. On va les laisser discuter tranquillement en antenne, on ne dira rien. En tout cas, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. On est bien là. On est bien là. L'endroit est sympa. Ouais. Il y a des gens que je connais pas. Ah non. Non. En tout cas, c'était bien. Et moi, je te remercie d'être venu. Il y a une senteur, il y a des fragrances. Il faudrait dévexer le Gérard. Oh, ne t'inquiète pas, je vais tâcher. On va lui offrir de l'eau. Oui, lui aussi, t'inquiète pas. Oui, un petit peu de champagne. Sur la elle sait comment il faut faire. Un peu de champagne. Ça ira mieux après. Tu vois, ça ira beaucoup mieux après. Merci encore. On offrira la flûte. Merci Arnold, merci Super Nana, merci Maurice, merci tout le monde, merci Manu, Fildar, Anka, tous ceux qui ont préparé l'émission, Marco, il y en a plein d'autres, j'en oublie. Merci Sandy, au nom de Gérard, je te remercie aussi. Merci à toi, et puis je voulais souhaiter encore un joyeux anniversaire, Max. Joyeux anniversaire, d'accord. Voilà. Merci Monique aussi d'être venue, la maman de Manu, il y a Bébé Rose, il y a tout le monde, il y a ma petite chérie que j'embrasse, Jenny qui est venue aussi nous rendre une petite visite, sans compter tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Monique, c'est pas un prénom facile, Non. Non, c'est vrai. Ah oui. C'est toujours vrai. Deux qui, tout ça. Donc, la nique et tout ça. Ça se passe un peu tout le monde doit se faire. Ah, alors, ça y est, ça s'est calmé le GG. D'accord. Bon, bah, je donne l'adresse aussi, www.star-system.org et les photos de toute cette soirée, vous les retrouverez durant ce week-end. Donc, il y aura du monde sur le site. Tant mieux, il y aura un petit interview d'ailleurs qui sera fait, nouveau, etc. Voilà, on vous embrasse, on se retrouve dimanche, 22h, lundi, 21h, soyez sages, amusez-vous bien.